Jean Bosco, Ndoui Man. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Dans un mois, le monde médiatique burundais se souviendra de 2 ans écoulés après la destruction de 5 radios indépendantes, dont Bonesha FM qui nourrit aujourd'hui beaucoup d'espoir de pouvoir reprendre ses activités. Vous entendrez son directeur Léon Massengo. Et les Burundais en quête de travail en Tanzanie se voient obligés de payer 200 dollars américains pour le permis de travail, ce qui est contraire au protocole relatif à la libre circulation des biens des personnes au sein de la communauté est-africaine. Notre correspondant à Muyinga nous en donnera les détails. Et le secrétaire général du parti MSD déclare n'avoir pas été surpris par l'ordonnance du ministre de l'Intérieur portant suspension de ses activités, mais considère cette décision comme un message fort du gouvernement de Bujumbura à la facilitation et à la communauté internationale par rapport aux efforts de trouver une issue politique et pacifique à la crise burundaise. Et puis, en actualité sous-régionale et internationale, la République démocratique du Congo suspend sa coopération militaire avec la Belgique et aux États-Unis. La première juge musulmane afro-américaine à la Cour d'appel fédérale de New York est retrouvée morte à Harlem ce mercredi. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour. Le secrétaire général du parti MSD déclare n'avoir pas été surpris par l'ordonnance du ministre de l'Intérieur portant suspension de ses activités et fermeture de ses locaux pour une durée de 6 mois. Dans un communiqué de ce parti sorti ce mercredi 12 avril, le MSD rappelle que sa formation politique s'inscrit dans le cadre de la résolution pacifique de la crise actuelle. François Nyamoya précise que c'est pour cette raison que les partis politiques réunis au sein du CNARED ont confié à ce parti les responsabilités de la commission chargée des négociations et du processus de paix. Pour lui, cette coalition n'aurait pas dû donc confier à ce parti de telles responsabilités à des vats en guerre. Cependant, le parti MSD estime que l'absence de dialogue inclusif risquerait d'engager les plus pacifistes sur la voie armée. Selon toujours le même communiqué, la suspension de ce parti est un message envoyé à la facilitation et à la communauté internationale par rapport aux efforts de trouver une issue politique et pacifique à la crise burundaise. Rappelons que le ministère de l'Intérieur accuse notamment le président du MSD d'être en train de former une rébellion. Politique toujours, les élections partielles du sénateur qui va remplacer l'honorable Célestin Daïzé, récemment nommé ministre de l'Environnement, auront lieu le 4 mai de cette année. Au cours d'une conférence de presse, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé que 2 partis politiques ont déjà présenté leurs candidats. Il s'agit du PAJUD et du CNDD-FDD. Suivez Anosiat Niyonguru et les vice-présidentes de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Les préparatifs pour cette élection sénatoriale partielle à Mouranja annoncent normalement. La CENI a déjà reçu les dossiers de candidature contenant les listes des candidats qui ont voulu entrer en compétition. Il s'agit des listes des candidats du parti CNDD-FDD représentés par Douiman Claver, titulaire, et Nizigimana Febroni, suppléante, et du parti PAJUD représenté par Munzumwami Pascal, titulaire, et Ngendakuriyo Gilbert, suppléant. Le président de la République vient de signer le décret. L'article 1er de ce décret indique que cette campagne est ouverte le 18 avril 2017 de 6h à 18h et elle est close le 1er mai 2017. Le collège électoral pour cette élection sénatoriale partielle est composé par les membres des conseils communaux de la province de Mouranja de la législature de 2015-2020. L'élection sénatoriale partielle aura lieu le 4 mai 2017 au chef-lieu de cette province. Voilà, c'était la vice-présidente de la Commission électorale nationale indépendante, Anosiat Niyonguru. Un permis de travail de 200 dollars américains est exigé au Burundi en quête de travail en Tanzanie. Pour les agents de l'immigration à Kobero, c'est une entrave à la mise en œuvre du protocole relatif à la libre circulation des biens et des personnes au sein de l'EAC. Les doléances de la population sont analysées dans le cadre de la rencontre des représentants des pays membres de cette organisation. Dieudonné Nzeyimana. 2 des 4 piliers de l'intégration à la communauté est-africaine EAC ont été mis en œuvre. C'est les lignes douanières et le marché commun. Des Burundais visitant les pays de la communauté rencontrent des entraves au sein de ce marché. Ceux qui vont chercher l'emploi, par exemple en Tanzanie, doivent présenter un permis de travail d'une valeur de 200 dollars américains. Casse-tête pour les simples citoyens en quête des emplois moins rémunérés et qui sont parfois refoulés, tel qu'est annoncé par les agents de l'immigration à Koweïro. Tout camion de transport entrant sur le sol tanzanien doit payer 4 dollars américains, l'équivalent de 10 000 shillings tanzaniens, des frais d'inspection montant non exigés au Burundi, d'où certains parlent de certains avantages au sens cynique. Madame Léontine Zeyman, la ministre en charge de l'intégration à l'EAC, parle de beaucoup d'avantages de cette organisation, citant entre autres des projets communs au sein des pays de l'EAC. Si des entraves sont soulevées par la population et sont discutées au sein des organes de concertation des représentants des pays membres, le ministre en visite à Muyinga ce jeudi pour expliquer à la population les étapes déjà franchies avec l'intégration à la communauté, a indiqué que le protocole relatif au troisième pilier, à savoir l'union monétaire, a été déjà signé. On attend la mise en œuvre d'ici 2024. Le quatrième pilier et la phase finale de l'intégration sera la fédération politique. Dieudonné Nzeyimana, de Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. À un mois du deuxième anniversaire de la destruction de cinq radios indépendantes, le directeur AI de la radio Bonéche FM, une de ces radios détruites, à l'espoir que cette radio peut reprendre ses activités incessamment. Léon Massengo fonde son espoir sur la position du Conseil national de la communication, CNC, et celle de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la CNIDH, selon laquelle la radio Bonéche FM n'a aucun contentieux avec la justice qui pourrait l'empêcher de reprendre ses activités. Malheureusement, on ne retrouve pas l'interview de Léon Massengo, mais ce n'est que partie remise. Mais sur cette question de la réouverture de la radio Bonécha, la présidence de la République recommande à la justice de vider au plus vite ce dossier pour incriminer ou blanchir la radio Bonécha FM. Le conseiller principal en communication du président de la République, Willy Nyamitwe, estime que c'était la justice de trouver la solution au problème de la radio Bonécha, car, dit-il, c'est la même justice qui a ordonné la suspension des activités de ce médium. Notre point de vue est que la justice fasse son travail. Si Bonécha a gain de cause, que la justice laisse Bonécha travailler. Si Bonécha est finalement coupable, que la justice condamne Bonéja. Mais en ce qui concerne la présence, nous l'avons toujours dit. Nous plaidons pour une presse libre, une presse professionnelle. Nous voulons qu'il y ait plusieurs radios, plusieurs télévisions, plusieurs journaux, plusieurs organes de presse. Alors, cette question de Bonéja, j'en ai entendu parler, tout le monde en entend parler, mais nous ne pouvons pas nous immiscer dans ce qui est du ressort de la justice. Nous sommes de l'exécutif. Nous ne pouvons que demander que justice soit faite pour Bonécha ou pour tout autre médium. Si les responsabilités sont déterminées, eh bien, il faut que la justice fasse son travail le plus rapidement que possible. C'était ambassadeur Willy Nyamitwe. Il est conseiller principal en communication à la présidence de la République. Rappelons que c'était le 14 mai 2015 que la radio Bonécha FM, Isanganiro, RPA et la radio-télévision Renaissance ont été détruites par des personnes jusqu'ici inconnues. Leur consoeur Rema FM avait été incendié la veille dans le sillage du putsch manqué du 13 mai 2015. Il est 13h05 à Bujumbura. Certains endroits de la zone urbaine de Moussaga manquent de courant électrique. Habitants, coiffeurs et menuisiers demandent à la Régie nationale de distribution d'eau et d'électricité, la Régie des eaux, de répartir équitablement le courant car certains quartiers sont éclairés à temps plein. Suivez quelques-uns. C'est un problème grave. Pour le moment, nous pensons ce qui est la Régie des eaux fait aujourd'hui. Puisque, déjà toute la journée, il n'y a pas de courant électrique. En général, la source d'énergie électrique, c'est purement inaccessible chez nous, dans notre quartier. Déjà la journée, le courant vient 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Vers 21h, notre période de 30 minutes, ça suffit. Déjà les 24h du jour. Les postes téléviseurs, c'est déjà conservé. Déjà la période de 30 minutes, on ne peut pas dire que nous utilisons les postes de télécom comme nous voulons. Nous demandons qu'il y ait équilibre dans la répartition du courant. Ça, c'est l'inégalité sociale. Le problème que nous rencontrons ici dans nos travaux de menuiserie, nous avons un problème épineux à propos de l'électricité. Pendant la journée, pendant la nuit, nous n'avons pas d'électricité, mais les autres quartiers de la même zone, en l'occurrence le quartier Gasekeboye et Kinindo, en bénéficient à temps plein le courant électrique. Nous avons une grande perte à propos du manque d'électricité. Nous avons un problème à propos de l'électricité parce que la perte est énorme. Comme vous le voyez, il n'y a plus d'électricité. Les clients vont dans le quartier où on peut trouver les produits finis à propos de l'éclairage, de l'électricité. Ils vont partir où l'électricité se trouve. Ils vont amener leurs produits finis à un prix exorbitant. Nous demandons à la régie des eaux qu'ils nous donnent de l'électricité dans les quartiers, dans les quartiers périphériques comme Moussaga, Kanyosha. Le manque d'électricité dans les quartiers périphériques, c'est un problème épineux. Ces habitants de Moussaga répondaient aux questions de Mireille Kanyang. Environ 20 kg d'alvins ont été saisis à Kanyosha, mairie de Bujumbura, l'après-midi de ce jeudi. Sadi Mukanya, secrétaire général de la Confédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, confirme l'information et appelle les pêcheurs à redoubler de vigilance pour stopper cette criminalité. Correspondance de Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues auprès de certains pêcheurs et confirmées par Sadi Mukanya, secrétaire général de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, indiquent que le comité des pêcheurs de la plage de Kanyosha, en collaboration avec les forces de l'ordre, ont saisi des mains des acheteurs 5 seaux contenant des alevins, soit environ 20 kg d'alevins l'après-midi de ce jeudi. Cependant, les pêcheurs de ces alevins, à l'aide des moustiquaires, avaient déjà pris le large. Selon Sadi Mukanya, 1 kg d'alevins produit 1 tonne de Ndagala et partant, 20 tonnes de Ndagala ont été étouffées dans le feu et appelle aux pêcheurs de veiller à la multiplication des poissons pour pérenniser leur activité. Deux infractions, à savoir pêcher en pleine lune et l'utilisation des engins de pêche prohibés ont été commises, des infractions punies jusqu'à 2 ans de servitude pénale et une amende allant jusqu'à 2 millions de francs burundais, selon la loi du 30 novembre 2016 réglementant la pêche au Burundi. Cette loi n'est pas pourtant encore appliquée, faute de sa vulgarisation préalable, informe Sadi Mukanya. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. Au Gabon, l'assistant personnel de l'opposant Jean Ping a été arrêté. Aux États-Unis, la première juge musulmane américaine a été retrouvée morte à Harlem. Et la République démocratique du Congo a suspendu sa coopération militaire avec la Belgique. Alida Naikedze. La RDC a décidé de rompre sa coopération militaire avec la Belgique. Cette information a été confirmée par le ministère belge de la Défense. C'est une décision qui intervient dans un contexte de tension entre Bruxelles et Kinshasa. Comme on peut le lire sur RFI Afrique, le programme de partenariat militaire conclu entre la Belgique et son ancienne colonie est axé pour l'essentiel sur la formation. Le ministère belge de la Défense nationale rédige actuellement l'inventaire des actions de coopération en cours afin de rapatrier au plus vite ses instructeurs présents au Congo. La coopération militaire belgo-congolaise est perçue à Bruxelles comme un baromètre fidèle des relations entre les deux pays. Les critiques belges lors de la récente nomination du premier ministre congolais témoignent donc d'une nouvelle détérioration de ces relations dont les militaires sont les premiers à faire les frais. Au Gabon, l'assistant personnel de Jean Ping, rival malheureux du président Ali Bongo lors de la présidentielle dont il conteste toujours le résultat, a été arrêté jeudi par les services de renseignement gabonais. African News écrit que l'avocat, qui n'a pas pu encore rencontrer son client, a indiqué avoir parlé avec son épouse qui lui a dit que les agents des services de renseignement avaient perquisitionné leur maison à la recherche d'une arme. Cette arrestation intervient alors que le Gabon est toujours en proie à des tensions politiques, économiques et sociales. Aux États-Unis, États-Unis, Sheila Abdou Salam, première femme musulmane à devenir juge et première africaine-américaine à être nommée à la Cour d'appel fédérale de New York, a été retrouvée morte à Harlem. Jeune Afrique écrit que l'annonce de la mort tragique de la juge Sheila Abdou Salam a ébranlé le milieu judiciaire new-yorkais. Son corps a été retrouvé flottant sur le fleuve Hudson. Son mari avait signalé sa disparition un jour plus tôt. Merci Alida Ndaïkeza. C'est sûr, c'est quelques nouvelles brèves en actualité internationale que nous bouclons ce journal. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Dans un mois, le monde médiatique burundais se souviendra de 2 ans écoulés après la destruction de 5 radios indépendantes, dont Bonesha FM, qui nourrit aujourd'hui beaucoup d'espoir de pouvoir reprendre ses activités. Et les Burundais en quête de travail en Tanzanie se voient obligés de payer $200 américains pour le permis de travail, ce qui est contraire au protocole relatif à la libre circulation des biens et des personnes au sein de la communauté est-africaine. Et le secrétaire général du parti MSD déclare n'avoir pas été surpris par l'ordonnance du ministre de l'Intérieur portant suspension de ses activités, mais considère cette décision comme un message fort du gouvernement de Bujumbura à la facilitation et à la communauté internationale par rapport aux efforts de trouver une issue politique et pacifique à la crise burundaise. Et vous venez de le suivre en actualité sous régionale et internationale. La République démocratique du Congo a suspendu sa coopération militaire avec la Belgique, alors qu'aux États-Unis, la première juge musulmane afro-américaine à la Cour d'appel fédérale de New York est retrouvée morte à Harlem. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal mis en onde par Eric Ouimana. Au micro, c'était Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi.